Dans mes poches c'est le désert, et mec pas d'oasis. Et c'est au-dessus de nos têtes qu'ils mettent le panneau asile. C'est même plus une dinguerie de voir un ami aux assises qui rêvait du train de vie, de la famille aux narcisses. Ça sent la fin des famines on assiste. 2016 y'a même des néo-nazis nés en Asie. J'suis pas dans tes magazines, j'essaie d'éviter les obstacles tel un Yamakasi. Assis sur un banc, j'mate les étoiles. Devant le but, le seul qui peut marquer c'est toi. J'ai frappé des murs à m'en casser les doigts. J'rentrerai à l'heure où les boueurs passent et nettoient. J'suis là à guetter le signal, j'rêve qu'on soit pieux comme des imams. La précision est décimale, c'est même plus des images. Mais qu'à chaque phrase c'est des toiles et j'en ai vu. Toutes les couleurs sont de mon passé. J'rappe mes doutes et mes douleurs et tout s'embrasser. Fini la rue, j'suis dans tes boomers, putain de brasser. Pour l'or, dans mes rêves, j'ai vu leur monde s'embraser. Mais ce que si je t'emmène dans un voyage noir, mes soucis, ma haine dans un royal. Ou est-ce que si je t'emmène dans un voyage noir, mes soucis, ma haine dans un royal. Je les écoute plus, de toute façon je vais rien piger, je pars. À deux doigts de la lune, y'a des images que je digère pas. Je regarde la lune avec mon tigé, je pars. J'allume une tigé, je plane. Je les écoute plus, de toute façon je vais rien piger, je pars. À deux doigts de la lune, y'a des images que je digère pas. Je regarde la lune avec mon tigé, je pars. J'allume une tigé, je plane. Je les écoute plus. C'est simple, quand t'as trop de soucis internes, tu dérives. J'bosse dur, vois mes textes comme une synthèse, tu péris. Pour des grosses thunes ou pour un mec qui teste, tu péris. J'serais connu qu'à titre posthume comme Saint-Exupéry. Tu captes pas qu'en bas de la tête, tu périmes. On est des lions en cage en train de courir aux zoos. Va faire un tour et je te parle pas du périph. Collègue oublie ce que tu connais, je te parle de t'ouvrir aux autres. J'ai pas de sous, je m'essouffle grand. Tout ça me saoule, heureusement dans mon team y'a des bêtes de gars. Bien trop souvent, les miens souffrent, non. J'aimerais dire que l'amour gagnera mais c'est loin d'être le cas. Et à force de fumer des joints, peut-être que je gagne. Peut-être que je m'éloigne trop des gens mais au moins je reste calme. Loin de la paix, combien des gens se pour la tête de calme. Combien se perdent, combien malgré leur courage pète le cap. Est-ce que si je t'emmène dans un voyage noir, mes soucis m'emmerdent dans un royal. Ou est-ce que si je t'emmène dans un voyage noir, mes soucis m'emmerdent dans un royal. Est-ce que si je t'emmène dans un voyage noir, mes soucis m'emmerdent dans un royal. Est-ce que si je t'emmène dans un voyage noir, mes soucis m'emmerdent dans un royal. Je les écoute plus, de toute façon je vais rien piger, je pars. À deux doigts de la lune, y'a des images que je digère pas. Je regarde la lune, avec mon tigé je pars. J'allume une tigé, je plane. Je les écoute plus, de toute façon je vais rien piger, je pars. À deux doigts de la lune, y'a des images que je digère pas. Je regarde la lune, avec mon tigé je pars. J'allume une tigé, je plane. Je les écoute plus.